de vivre parmi les ordures. En feu, rien mesure, mesure les risques, mais rien sûr. Tout ça dure, c'est dur, obscur, mais sans mari, mon armature, je serais déjà mort, c'est sûr. Quand tes blessures ne servent plus à ne plus rentrer dans le mur. Moi je fume, un spliff, un chief, problème c'est caissif. Moi et rappé, en train de nocif, faut comment tirer sans ces feux. Recherche l'issue, issue d'une vie où les gens te pissent dessus. Pas difficile de sortir de la déçue. Je me place quand rien, je crois bien que j'ai trouvé ma place. Des classes MC, dissident, toujours dans la place. Là quand tu manges du ghetto, viens pour te têter en tété. Bélec à ne pas péter les plombs, c'est en l'étho. Manteau ou tard, mec, j'prendrai ma part, sortir de nulle part. Des packs de part en part, me sont en parc. Parqué dans la merde, les emmerdes viennent nous ensevelir. Tu peux lire dans mes yeux, j'veux m'en sortir avant la chute. Car c'est juste livre, jeunesse ivre, c'est livre sous JP. Raconte ma livre, ma bouche calibre du braque d'un CP. Tu sais bien ce qu'on met dans nos feuilles au CP. Ce qu'on voudrait posséder jusqu'à la chute, mec, c'est juste livre, jeunesse ivre, c'est livre sous JP. Raconte ma livre, ma bouche calibre. Tu sais bien ce qu'on met dans nos feuilles au CP. Ce qu'on voudrait posséder jusqu'à la chute. Chute de la graine de Thibon. On a des grands dans la haine, donc on fait du rap de brigands. Tu l'as dit, on mange des grands masqués, pas pour le mardi gras. On fait du bif, c'est si grave, comme si t'avais sniffé 10 grammes. Du rap sale, puis tu ravalais qu'avec un abcès. Parce que tu verras sur Canal Sat. À côté de ces banales scènes, un alchat. Condamne la chute d'humanité, que c'est qu'on a le sache. On se sait, je dis qu'on se sait, ennemi. On sera pas de concession, vu qu'on se sait, ennemi. Faut qu'on se voit, cachons, on se saigne. Entre amis, trop de drames ici. On s'en est parmi, ça choque les mamies. Elles sont faites pour l'or, mais c'est dans la merde qu'on a les mamies. Crois-tu que je m'amuse avec ma mise, moi? Eh, misère d'amour, un désert qui gueule. Ça fait mal au crâne, comme un monde qui a pas de désert qui gueule. Car c'est juste livre, jeunesse ivre, c'est livre sous JP. Raconte ma livre, ma bouche calibre du braque d'un CP. Tu sais bien ce qu'on met dans nos feuilles au CP. Ce qu'on voudrait posséder jusqu'à la chute, avec ses yeux clips, jeunesse ivre, c'est livre sous JP. Raconte ma livre, ma bouche calibre du braque d'un CP. Tu sais bien ce qu'on met dans nos feuilles au CP. Ce qu'on voudrait posséder jusqu'à la chute, avec ses yeux. Voilà, revenu à l'époque, la Jahaliya. Au lieu d'aller à l'école, les jeunes préfèrent fumer de la hiya. Dans le bâtiment, les darons disent, je m'en fuis. Et si on brouille de la costard, si sort la genouilla. Aussi tenace que le choléra, dans nos cœurs, c'est la colère. J'accuse ton électorat, coup de crosse dans vos molaires. C'est pas un canular, on crée plus que les hauts, mes frères sont là. La backroute, ce morceau, c'est les bavures, on déclare. Les keufs, eux, quand ils suscitent pas, ils commettent des bavures, nous mélanger. C'est comme couper ta coke avec la vure. Fois, je me dis qu'un instru pourrait supporter ma gravure. Brûler un fils de stup, ma parole naise, pile la crevure. Et sur commission rogatoire, nous faut goûter le purgatoire. Ou mettre à ce pas papier avant de passer au prétoire. Sous contrôle judiciaire, j'en ai marre d'aller pointer. Signer un peu de papier, coupable en l'air avant même qu'on soit inculpé. C'est juste livre, jeunesse ivre, c'est livre sous JP. Raconte ma livre, ma bouche calibre du braque d'un CP. Tu sais bien ce qu'on met dans nos feuilles au CP. Ce qu'on voudrait posséder jusqu'à la chute. Avec ses yeux clips, jeunesse ivre, c'est livre sous JP. Raconte ma livre, ma bouche calibre du braque d'un CP. Tu sais bien ce qu'on met dans nos feuilles au CP. Ce qu'on voudrait posséder jusqu'à la chute. Avec ses yeux clips, jusqu'à la chute. Jusqu'à la chute. Dissident shoot. C'est dissident, man. N2S, Coréen 16, rap de thèse. Donc nous peace, Ismala. Peace à tout Osmala. La mélodie des briques, mec. Jeunesse ivre, sous ses lèvres.